aussitôt, je peux mesurer au danger. Tu veux la guerre, y'aura la guerre, bats-toi sans reculer. Tu subiras le même sort que ceux qui ont pu résister. Face à l'adversité, il n'est pas bon de capituler. C'est l'hymne à la guerre, hey, hey, pour affronter un nouvel adversaire. Hey, hey, la pression monte et je peux plus calmer mes nerfs. Malheur à celui qui réveille ma colère. Voici un nouveau missile, je te fous droit à domicile. Je suis plus dangereux qu'Hiroshima et frappe en plein dans le mille. Je réduis en miettes ceux qui ne savent pas rester tranquille. Et que s'ouvrir avec un flot stérile. Mais c'est DJ, c'est DJ. Stick c'est style, mais c'est pas tout style qui est bon. Méfie-toi, clash c'est clash, la compétition c'est la compétition. Si t'as pas de niveau, fais attention, d'autres avant toi ont pris une correction. Une fois, deux fois, trois fois, et j'exécute la sanction. C'est l'hymne à la guerre, fait pour affronter un nouvel adversaire. La pression monte et je peux plus calmer mes nerfs. Tensos, so, ain't you? You wanna test the junkie and the Benji, ain't you? Well, you're gonna have to die. Ho, ho, ho, ho. We're gonna have to kill you.